croyais plus fort, je me croyais de ceux qui ne pleurent jamais. Je m'écoutais d'abord, ce que disaient les autres n'avait pas d'intérêt. Si je n'ai pas compris à son premier sourire, c'est que j'ai pas appris toute la différence entre amour et plaisir, et désir et envie. Je me croyais trop grand, je me croyais de ceux à qui tout réussit. Dans les yeux d'une enfant, je me suis enfin vu aussi laid que petit. Dans les yeux d'une femme, j'ai senti le tonnerre d'un million de tambours qui frappaient dans mon âme et mon cœur s'est ouvert au plaisir de l'amour. Aimer, c'est plus fort que l'envie de vivre, plus fort que l'envie d'être libre, plus fort que l'alcool qui m'enivre. Aimer, c'est le prisonnier qu'on délivre, c'est la force de vouloir te suivre, c'est plus fort que l'envie de vivre. Je ne l'aurais jamais cru, celui qui m'aurait dit qu'il existait vraiment, que je donnerais ma vie pour l'entendre me dire je t'aime, Don Juan. Que je vendrais mon âme à celui qui la veut, que j'accepterais tout. Pour les yeux d'une femme, je serais même heureux de me mettre à genoux. Aimer, c'est plus fort que l'envie de vivre, plus fort que l'envie d'être libre, plus fort que l'alcool qui m'enivre. Aimer, c'est le prisonnier qu'on délivre, c'est la force de vouloir te suivre, c'est plus fort que l'envie de vivre. Je l'aime fort, je l'aime trop. Oh, je l'aime, j'ai son nom gravé sur ma peau. Je l'aime, je l'aime. Aimer.